Michael Black. Elle vous dit en pleurant qu'elle n'a pas cessé de vous aimer. Elle se tatoue le plan de la prison. Ah, c'est nul.